Ingrédients dangereux des vaccins. Un discours ouvert est essentiel. Au cours de l'été 2021, le célèbre pathologiste, le docteur Schirmacher de Heidelberg, s'est fait remarquer dans le Deutsche Ärztezeitung, journal médical allemand. Il suppose par analogie avec les résultats de ses enquêtes que le nombre de personnes décédées à la suite de la vaccination COVID-19 est nettement plus élevé que ce qui est officiellement déclaré. Du Japon est venue l'information que des scientifiques ont trouvé des pièces métalliques dans le vaccin COVID-19 de Moderna. Cela a entraîné la mort de certaines personnes vaccinées et le gouvernement japonais a fait retirer de la circulation 1,63 million de doses de vaccins. En raison de ces incidents et d'autres incidents similaires, des médecins, des scientifiques et des juristes de haut niveau se sont réunis à Reutlingen le 20 septembre 2021 pour un congrès suivi d'une conférence de presse. Les experts s'accordent à dire que les ingrédients non déclarés contenus dans les vaccins COVID font des ravages chez les vaccinés. Ils se demandent pourquoi, en dépit de la présence d'ingrédients hautement toxiques, voire mortels, les entreprises pharmaceutiques, les hommes politiques et les principaux médias parlent toujours de vaccins Covid sûrs et étouffent les voix dissidentes, même les plus qualifiées. Peu de temps auparavant, une équipe de recherche espagnole avait même détecté de l'oxyde de graphène avec tous ses dangers potentiels dans les vaccins COVID-19 et a tiré la sonnette d'alarme, tandis que les politiciens et également les principaux médias passent ces faits sous silence. Mais qu'est-ce que l'oxyde de graphène et quels sont ses effets sur l'homme? Graphène et oxyde de graphène. Des acteurs polyvalents à risque. Le graphène est 1000 fois plus conducteur que le cuivre, 100 fois plus résistant que l'acier et aussi souple que le caoutchouc. Il transfère ses propriétés à tout matériau auquel il est ajouté. De cette façon, presque tous les matériaux peuvent être rendus conducteurs d'électricité. Le graphène est utilisé dans les voitures, dans le verre, dans les revêtements ou comme élément pour renforcer le plastique. Les pneus en caoutchouc deviennent plus résistants et ignifuges. Un béton spécial mélangé à du graphène peut résister à des charges 2 fois plus importantes. Les capteurs d'image deviennent 1000 fois plus sensibles à la lumière. L'oxyde de graphène, moins cher, présente des propriétés similaires. Il est prévisible que ces supermatériaux se retrouveront dans tous les domaines de la vie quotidienne, avant même que leur innocuité ait été prouvée. Mais que faire si ce matériau s'avère être une substance problématique, nocive pour la santé, ni dégradable ni recyclable ? L'humanité peut-elle à nouveau se permettre l'utilisation effrénée d'une substance miracle douteuse? Rien n'a donc été appris du scandale de l'amiante? Oxyde de graphène, utilisation dangereuse chez l'homme. Selon la FDA américaine, qui est à peu près l'équivalent de l'Institut Robert Koch allemand, RKI, l'utilisation de l'oxyde de graphène n'est pas autorisée chez l'homme en raison de ses effets toxiques. Néanmoins, aujourd'hui, il est utilisé de nombreuses façons. L'oxyde de graphène est utilisé en médecine, par exemple dans les maladies cancéreuses, pour transporter des substances anticancéreuses dans les organes malades. L'oxyde de graphène est utilisé dans les implants cérébraux pour traiter l'épilepsie, les accidents vasculaires cérébraux et la maladie de Parkinson. Les chercheurs l'utilisent pour étudier et modifier les structures cellulaires. On le trouve également dans des gels pour la cicatrisation des plaies dans le cas du diabète. Cependant, nous avons affaire à un poison qui a également trouvé sa place dans de nombreux domaines de la vie quotidienne. On le trouve dans de nombreux articles d'habillement. Mais surtout, l'oxyde de graphène est utilisé dans les cosmétiques. De nombreuses crèmes, gels et masques cosmétiques contiennent ces nanoparticules. Il y en a même dans les préservatifs. L'oxyde de graphène a également été détecté dans des aliments, même dans des thés biologiques. On en trouve également des traces dans de nombreux kits de tests PCR et dans les masques bouche-nez. On ne sait pas très bien à quoi il est censé servir ici. Danger potentiel de l'oxyde de graphène dans le corps humain. Des scientifiques de 2 universités espagnoles ont tiré la sonnette d'alarme sur la détection d'oxyde de graphène dans les lots de vaccins BioNTech-Pfizer dès le début de l'été 2021. L'ancienne employée de Pfizer, Karen Kingston, l'a confirmé dans une interview peu après et a en outre révélé que Pfizer ne déclare même pas l'oxyde de graphène comme ingrédient de ses vaccins, malgré ses effets secondaires potentiellement toxiques. Et ce, malgré le fait que cette cytotoxine semble provoquer les mêmes symptômes que ceux observés précédemment dans les cas de Covid-19 et surtout après des vaccinations Covid-19. Embolie et thrombose multiples dans le système vasculaire de tous les organes, en particulier dans les vaisseaux du cerveau et du cœur. Myocardite aiguë chez des jeunes qui n'ont jamais eu de problème cardiaque auparavant. Atteinte des poumons avec réduction de la capacité d'absorption de l'oxygène. Et le syndrome de détresse respiratoire qui en résulte. Perte totale ou partielle du goût et de l'odorat, et également un affaiblissement considérable du système immunitaire dû à une réduction de l'antioxydant glutathion. Pourquoi nos médias de qualité ne tirent-ils pas la sonnette d'alarme ici ? Oxyde de graphène, abus potentiel et code d'éthique. Après que les chercheurs ont pu détecter à la fois des particules métalliques et de l'oxyde de graphène dans les vaccins Covid-19, la question se pose de savoir à quoi sont censés servir ces matériaux qui endommagent le corps. Dans la recherche sur le cerveau, les nanoparticules conductrices d'électricité en métal ou en carbone, par exemple l'or ou le graphène, trouvent leur application. Une équipe de recherche de l'université Christian Albrecht de Kiel travaille sur la manière dont des substances actives peuvent, à distance, être libérées dans le cerveau. Un autre chercheur travaille sur l'utilisation dans le corps de gel métal graphène électriquement conducteur comme robot biohybride. Si le cerveau humain et les fonctions corporelles peuvent être contrôlées au moyen de telles particules de métal et d'oxyde de graphène, la possibilité d'abus est effroyablement élevée. Un discours ouvert entre la science et la politique est ici nécessaire pour définir volontairement des limites par le biais d'un code d'éthique afin que tout excès puisse être arrêté à temps. Conclusion. Se parler est le titre de l'ouvrage en 3 volumes du psychologue de la communication Friedman Schultz. Toute l'oreille, écouter les autres, est le nom du manuel pour musiciens de Teach Kramer. D'autres disent « Oriente-toi selon les impulsions de ton cœur ». Apparemment, l'humanité a actuellement besoin d'un tutorat pour ses compétences qui existent naturellement, mais qui sont enfouies, à tel point que des livres doivent même être écrits à leur sujet. À l'heure actuelle, il est plus important que jamais de se parler, de s'écouter et de percevoir ce qui s'éveille dans le cœur. En effet, il est nécessaire de surmonter la division du peuple, fomentée par la politique et les médias dominants, de permettre un discours public sur des sujets explosifs et de trouver un consensus bénéfique pour tous.